Et voilà, ben alors comme toute dernière chronique de cette radiosine du Festival Archipel 2024, on va passer le dernier épisode de Bonjour Objet, Salut Festival, une chronique réalisée par Yvonne Harder qui, je le sais, est attendue presque chaque jour avec beaucoup d'impatience. Donc voilà, c'est la toute dernière et bonne écoute. Salut Objet. Bonjour Festival. Voici notre invité mystère du jour, un objet de la scénographie du Festival Archipel 2024 que nous sommes allés rencontrer chez lui pour qu'il nous raconte quelques anecdotes de sa vie. À vous, chers spectateurs et festivalières, de découvrir son identité. Cher Objet, qui êtes-vous vraiment ? Mais c'est maintenant que vous pensez à me poser cette question. Qui je suis ? Ça intéresse personne de toute façon. Moi, je suis quelqu'un, hein. Je viens d'une grande salle, d'une salle avec une certaine importance. Des grands musiciens ont joué dans cette salle. Des gens importants, des gens de la vraie musique, pas comme ici. Et ici, comment on me reçoit, on me barbouille de peinture de partout. Et après, y a des gens qui se vautrent sur moi, tout juste qu'ils enlèvent les chaussures pour me marcher dessus. Et après, ben on sait pas ce qu'ils font, ils sont vraiment très proches les uns des autres. Et ils écoutent de la musique. Mais ça c'est pas de la musique ça. Avant j'étais quelqu'un. J'étais dans une salle française, au bord du lac. C'était une salle qui n'était pas toute seule non plus. Il y avait un hôtel. Et sur le site de cet hôtel et puis de cette salle de concert, c'est une Rolex qui vous dit l'heure. Voilà, et voilà, madame, voilà. Merci beaucoup d'être venu quand même. Et puis, on est très, très heureux et très valorisé de vous savoir parmi nous. Je vous rencontre aussi pour, évidemment, savoir un peu votre avis sur nous, sur le Festival Archipel et sur la musique de façon générale. Parce que, oui, comme vous dites, vous avez un long parcours en lien avec la musique. Mais oui, mais pas n'importe quelle musique. Moi, c'était les grands classiques, madame. Oui, tout à fait. Je suis vraiment navrée si la musique ici vous plaît pas autant. Pas comment ? Comment la musique ? La musique, ça c'est pas vraiment de la musique. Il y a des sons, ok, certes. C'est certainement très recherché, mais ça n'a rien à voir avec la musique. Et puis, vous voyez bien que moi, dans mon passé, c'était une salle d'importance où il y avait des bourgeois qui venaient, des femmes parfumées, des hommes bien habillés qui déposaient leur partie tendre sur moi. Or, maintenant, on sait même pas qui sont ces gens qui viennent là. On sait même pas qui c'est. Et c'est le peuple. Maintenant, on dit que la culture, elle doit être accessible à tout le monde. Mais c'est qui ce tout le monde ? Et pourquoi ces personnes ne peuvent pas se payer une entrée à l'opéra ? Qu'ils aillent travailler ? C'est clair. Bon, si vous êtes ici maintenant, c'est aussi qu'apparemment, les humains bourgeois et français ne voulait pas de vous, parce que sinon ils vous auraient gardé, parce que nous, c'est avec une certaine bonté d'âme quand même qu'on vous accueille. Comment ça, c'est vraiment très très insultant de dire ça, ils voulaient plus de nous. Parce que nous, on vieillit, c'est normal, on prend un peu, parce qu'on est comme du ton clair, on prend un peu de saleté, oui, d'accord, ok. Mais c'est aussi normal que ces personnes-là, ils valent mieux que ça. Ils n'ont pas à supporter la vision de nous quand nous sommes plus présentables. Ça, c'est bien naturel quand même. On comprend que ces personnes d'une certaine importance ont besoin d'un setting et puis d'un standing. Et voilà, madame. Et pas comme ici, où on peut leur donner n'importe quoi. On peut les asseoir par terre sur de la moquette et des coussins. Vraiment, ça, c'est quand même un tout petit peu déplorable. Et après, de faire un tarif unique qui veut dire que vraiment tout le monde a accès à la culture. Mais excusez-moi, ces gens-là, ils comprennent pas la vraie culture quand même. La vraie culture, c'est même pas à leur portée. C'est ça que je veux dire. C'est plus ça que je veux dire. Et ces installations sonores, oh là là là là là là, il y en a pour tous les goûts, il faut dire qu'il y en a pour tous les goûts. Ok, oui, mais ça c'est quand même vraiment très fort de tabac. Bon alors, est-ce que vous avez quand même quelque chose que vous aimez un peu bien dans ce festival? Il y a peut-être quand même des choses qui vous parlent un peu. Si je devais dire quelque chose que je trouve à la fin pas si mal, parce que là ça fait quand même aussi 4 ans que j'écoute ce son spatialisé tous les jours pendant le festival, et on y va, et c'est pour, et il y en a plein de propositions différentes. Alors je trouve que quand même ce qui est encore le mieux, c'est les dimanches de le 21 par exemple à 15h, où il y a différentes propositions qui... Alors merci qui, beaucoup. Merci d'avoir quand même joué le jeu. Et je suis navrée si le festival n'est pas tout à fait à la hauteur de vos expectations. Hop là, merci beaucoup Yvonne pour cette toute dernière chronique. Alors là maintenant, on a vu que donc Victoria Chen et Vic Chen venaient d'arriver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà vous annoncer le programme du jour, parce qu'il est déjà 12h20. Donc histoire que vous sachiez que dès 12h30, il y a des choses qui commencent et qui ne s'arrêteront jamais.